on distingue dans les bruits continus aigus appelés sibilants et les bruits continus graves appelés roncus. Écoutez un sibilant. Le sibilant est un bruit continu musical dont la fréquence fondamentale est supérieure à 400 Hz. Il s'agit ici d'un sibilant polyphonique, entendu à l'inspiration et à l'expiration. Écoutez à nouveau ce sibilant. Thank you.